Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce troisième numéro des Retraités s'activent, une émission que nous réalisons en partenariat avec le service Entourage de la communauté de communes du Val d'Amboise. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière puisque nous sommes hors les murs, nous sommes sortis du studio pour aller rencontrer nos amis au Myosotis, donc une résidence où quelques-uns d'entre eux habitent à l'année. Aujourd'hui, autour de cette table, nous sommes nombreux. Nous avons Michel, Marcel, Morissette, Pierrette, Gérard, Yvette, Christiane, Monique, Étiennette et puis Morissette numéro 2. On n'a pas Michel numéro 2 aujourd'hui, elle s'en excuse, on la salue d'ailleurs, mais nous avons nos deux Morissettes. Alors nous avions évoqué lors de la dernière émission un thème qui était le « c'était mieux avant ». Aujourd'hui, le thème que nous allons exploiter ensemble, c'est les métiers d'autrefois. Alors, on va donner la parole pour commencer au seul homme de l'Assemblée, c'est Gérard. Alors Gérard, il a des choses intéressantes à nous dire puisque sa maman était fileuse sur verre. Son grand-père avait un métier assez singulier également dont il va nous parler. Bonjour Gérard. Bonjour. Ben, mon grand-père, il avait un métier qu'il pratiquait au pluriel déjà. Il n'était pas que singulier. Et il était croque-mort. Et il travaillait pour une maison, le nom va vous dire quelque chose, puisque après la maison, elle s'est appelée De Fer. Et c'était Borgnol. D'accord. Il travaillait à la maison Borgnol, à côté de chez toi, Morissette. Mmh. Saint-Denis, ouais. Comme il venait chez nous à peu près tous les dimanches, c'était surtout toutes les bêtises qu'ils faisaient dans la semaine et tout ce qu'ils organisaient entre eux, etc. C'était des fois un peu catastrophique. Mais l'anecdote que je me souviens très bien, c'est qu'une fois, lui et ses collègues avaient mis dans le maître de cérémonie. Le maître de cérémonie, c'est celui qui gère, en fin de compte, la cérémonie. D'accord. Il avait un parapluie et dans le parapluie, ils avaient mis des confettis. Oh. Et à un moment donné, au cimetière, la pluie arrive. Donc le maître de cérémonie, il ouvre son parapluie au-dessus de la veuve. Les confettis sont tombés, ils ont tous été virés. J'imagine. Donc, comme trouver du boulot à cette époque-là, c'était assez facile. La semaine d'après, il était dans une autre société et puis ça recommençait. Moi, avec les discussions que j'ai eues après avec lui, quand j'étais donc adulte, etc., en fin de compte, c'était une manière d'exorciser la mort, de s'en éloigner avec le rire, avec tout ça. Parce que, oui. Notamment, il y avait des choses très tristes qu'il nous racontait quand il nous parlait des petits cercueils blancs. Et donc tout ça, c'était autre chose. Et je pense qu'au niveau psychologique, il y avait une manière d'éloigner la mort comme oui, ça. Oui, de se protéger un peu, rire, de se mettre une armure pour ouais, pas... Ça, ouais. Évidemment, oui. Quant à ma mère, elle était fileuse sur verre, qu'elle avait donc appris en Belgique. Elle faisait du verre artistique. Pendant un bon moment, on avait encore de ses créations. Après, il y a eu des déménagements, il y a eu tout ça, il y a eu de la casse. Et puis, comme ça nourrissait plus l'ouvrière, elle avait fini par travailler pour des laboratoires où elle soufflait les cornues et tout ça, quoi. Elle était souffleuse. Puis après, elle a complètement arrêté le métier. Ce qui était sympa, c'est quand elle nous en parlait, comment on donne la couleur au verre simplement avec la température. On peut y mettre des pigments, mais il y a aussi, par rapport à la température du chalumeau, on peut donner une couleur au verre, suivant comment on arrête la chaleur. À l'air, à l'huile, les couleurs changeaient. Est-ce que vous avez déjà fait essayer votre maman ? Non, jamais. J'étais petit. Je me souviens qu'il y avait 3-4 éléphants qui avaient été filés et ils se tenaient par la trompe et la queue. Voilà. Mais ça, pareil, avec le temps, ça a disparu, ça s'est cassé, etc. Il y avait un chariot aussi, un peu les charrettes à foin qu'elle avait fait dans un verre bleuté un peu. Voilà, c'est tout. Hein. Sinon, c'était... Mais le grand-père, on rigolait bien. Il valait mieux. Ouais. Bien, merci Gérard. Morissette est à côté de vous. Alors, Morissette, sa maman était stoppeuse. Alors, on était plusieurs autour de la table à ne pas savoir ce que c'était que ce métier-là de stoppeuse. Bonjour Morissette. Alors, stoppeuse, c'était réparer des accros aux vêtements. Alors, aux costumes, aux pantalons, aux manteaux, enfin, voilà. Et il fallait tirer des fils dans les coutures des vêtements. Et tirer les fils, c'était mon boulot. Ah oui. J'ai commencé ça, j'étais petite, et je tirais les fils. Et ma mère, avec les fils, elle faisait comme une reprise, mais c'était une reprise de luxe. Parce que quand on retournait le vêtement, elle faisait ça sur l'envers. Et quand on retournait le vêtement, on ne voyait pas qu'il y avait eu du stoppage, que ça avait été réparé. Et alors, elle était aussi brodeuse et couturière. Elle était brodeuse. Elle faisait des draps pour les magasins, pour des particuliers. Et puis, elle a fait de la confection. Elle a fait de la couture. Enfin, moi, j'étais toujours habillée avec les restes de tissu des autres. Alors, j'avais toujours des beaux vêtements. Mes copines étaient un peu jalouses. Ah ben, c'est sûr. Et voilà. Puis des vêtements que personne d'autre n'avait. Ah ben non, personne n'avait. Non. Et alors, votre papa, lui, il était charbonnier. Alors, mon papa, il était charbonnier. Alors, lui, il livrait le charbon. Et puis, bon, bah, il descendait dans la cave pour mettre le charbon dans la cave. Mais il y avait des charbonniers qui ne voulaient pas descendre. Mais mon père, il était tellement gentil qu'il descendait partout. Et donc, grâce à lui, j'ai eu des places de cinéma gratuites. Parce qu'il livrait le placeur de cinéma. Et j'allais au cinéma des fois, trois fois pendant la semaine. Bah, ça va. Bah oui, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que vous avez vu de beau comme film à l'époque? Je ne me souviens plus. Je me souviens qu'un jour, il y avait un film. Il y avait un monsieur qui était... Ils avaient mis dans le sable. On ne voyait plus que la tête. Alors bon, moi, j'étais petite. Et puis j'ai crié, j'ai embêté tout le monde, quoi. Mais bon, c'était moi. Puis voilà, quoi. Mais grâce à eux, j'ai eu plein de choses. Puis bon, ils étaient tellement gentils que... Oui. C'était le bonheur, quoi. Oui, on voit que vous êtes heureuse d'évoquer ces souvenirs-là. Ah ben oui, parce que c'était le bonheur. Hein. On habitait dans un quartier, c'était un quartier de zone industrielle, de charbonniers, d'écarissage, il y avait plein de choses. Puis le soir, la rue était à nous, quoi, parce que le soir, les usines étaient fermées, la rue était à nous. Voilà. Oui, c'est ce qu'on disait dans la dernière émission, c'est qu'il y avait une liberté de circuler, les enfants, il y avait des enfants plein les rues. Ouais, ouais. Très bien, ben merci Morissette pour ces témoignages. Alors Monique... Monique, ses parents étaient viticulteurs et faisaient du maraîchage, de la culture saisonnière, oui, c'est ça? Oui, oui. Et bon, on a beaucoup aidé. J'ai un frère, on avait 14 mois de différence. Et ben, on participait. Alors, ça commençait au printemps, on attachait les baguettes. C'est-à-dire, il y avait le cep de vigne et puis il y avait deux rameaux qui partaient, un à droite et un à gauche. Et avec des petits fils de fer, on attachait des fils de fer. Donc, ben, c'était assez fastidieux, mais mes parents ne lâchaient pas et il fallait le faire. Mmh. Une fois, on avait alors, ce qu'on appelle deux longueurs de pieux. Il y avait des ceps de vigne et on n'avait plus de fil de fer pour attacher cette baguette. Mon frère me dit, on ne dit rien aux parents hein, et quand on reviendra dans ce secteur-là, on les attachera. Le soir, bon, on parle et puis papa demande donc ça s'est bien passé. Oui, oui, maintenant c'est fini, c'est bien, on s'est dépêché, tout a été fait. Et papa était passé au niveau de cette vigne et il a dit bon, ben maintenant il n'y aura pas de cinéma ce soir, hein, parce que moi je me suis rendu compte que vous n'avez pas dit la réalité. Voilà. Et ça, ça m'a marqué. Et je pense que, enfin, je ne veux pas dire que j'ai jamais menti, mais ça m'a vraiment une prise de conscience hein, qu'il fallait dire la vérité et ne pas vis-à-vis des autres, quoi. C'était quand même quelque chose d'important. Faut avouer à moitié pardonner, comme on dit. Oui. Oui, oui. C'est une jolie histoire que vous nous racontez. Mais c'est vrai qu'on était sollicités en tant qu'enfant. Hein. Oui. Oui. Bon, on trouvait ça normal, hein, ça faisait partie de cette époque-là. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est des choses aussi que vous avez pu nous dire lors des dernières émissions pour ceux qui étaient là. Mais voilà, les enfants à la maison, ils contribuaient, ils participaient activement à la vie de la maison et au travail. Nous, c'était à l'extérieur, hein, oui. On était sollicités. Alors, pendant les vacances scolaires, quoi. D'accord. Merci, voilà. Monique. Alors, Marcel, bonjour Marcel. Bonjour. Alors, le tueur de cochons, Marcel, vous pouvez nous parler de ça? Alors, je pense que c'est un métier qui n'existe plus. Dans les campagnes, autrefois, dans tous les villages, il y avait des petits paysans qui élevaient tous un ou deux cochons. Et on faisait appel au tueur de cochons qui venait en fin d'après-midi pour le tuer. C'était tout un rite, hein, c'était important qu'il souffre le moins possible. Mais enfin, il fallait le saigner quand même. L'égorgé, et quand c'était fini, il était flambé à la paille pour enlever les poils sur le corps du cochon. Il était pendu par les pattes arrière à une échelle et on le laissait toute la nuit au frais en attendant le lendemain. Le lendemain, le tueur de cochon venait, le détaillait, l'étripait. Ça monopolisait beaucoup de monde parce qu'il fallait l'aider, nettoyer les tripes. C'était pas très ragoûtant. Et pour oui, on faire visualise des... bien. Hein, le... parce que avec on a les bien tripes... les images en tête, là, en vous écoutant. Parce qu'avec les tripes, on faisait les andouilles, les andouillettes, les boudins, les saucisses. Il fallait que ce soit impeccable, hein. Et puis, il fallait l'aider aussi parce qu'il faisait toute la charcuterie, les pâtés. Donc, il fallait éplucher les oignons, il fallait hacher la viande, il fallait... Y avait des... Donc, il faisait tout ça. Il détaillait le cochon entièrement. Et il y avait une particularité, c'est que comme tous les petits paysans habitaient pas très loin les uns des autres, à l'époque, on n'avait pas de congélateur. Donc on essayait de manger le cochon frais le plus possible. Donc c'était le tueur de cochon qui faisait la répartition. Dans cette maison, il y avait tant à donner. Voilà, la répartition était faite comme ça. Aussi bien pour la charcuterie que pour les morceaux de viande. Et ce qui restait, alors on faisait des conserves bien sûr, on faisait des rillettes, on les mettait en bocon, on gardait le sein doux aussi, on faisait des rillons. Pour conserver, on mettait la viande au saloir, après on faisait des potées avec ça. Et puis il y avait des anecdotes, par exemple on faisait de la carbonade. Dans le Loir-et-Cher, la carbonade c'était des abats cuits au courbouillon et liés uniquement au sang, il n'y avait pas de vin dedans. Et ça se mangeait froid, c'était délicieux. Et on répartissait ça dans les assiettes. Et c'était à la fin de la journée. Et tous les enfants du village venaient avec leurs morceaux de pain pour saucer le... Mais c'était, voilà, c'était des bons souvenirs. Je voyais Monique hocher la tête. Et j'ai souvenir du tueur de cochon. Quand j'étais gamine, comme j'étais toujours dans ses pattes et que c'était quand même pas agréable pour lui, il m'avait donné un jour les ergots du cochon. Il m'avait dit « Tu vas les planter derrière la fosse ». Alors la fosse, c'était, on habitait une grande ferme, la fosse c'était assez loin, il fallait faire au moins 100 mètres. Et il faudra que tu les arroses tous les quarts d'heure et tu verras, il poussera des petits cochons. Alors je me suis fait avoir une fois, mais pas deux. Je voyais Monique hocher la tête alors. Finalement, quand il y avait le tueur qui passait pour le tuer et tout ça, il nous disait aussi faut les planter et tu verras, tu auras des petits cochons. Ah ouais. Mais bon. Etiennette dit que ça devait être le même tueur. Il n'y en avait pas dans tous les villages. Hein. Il faisait des petits villages aux alentours, en général, le tueur. Hein. Mais nous, on en avait un à Onzain, parce que c'était particulier. Onzain, c'est un village qui est très étendu. Alors, une semaine, il était d'un côté, l'autre semaine, de l'autre. C'est le père Templé, il s'appelait. Ah, on a Michel qui a aussi... Oui, nous aussi, on en avait un qui venait... Mais c'était régulier, c'était deux fois par an, il venait tuer le cochon. Oui, là, c'était pareil, ouais, c'était deux fois par an. En général, au printemps, oui. Et puis il fallait pas qu'il fasse trop chaud. Ouais. Et puis à l'entrée de l'hiver. Voilà. Mais nous, on ne faisait pas la carbonade, nous, c'était la charbonnée qu'on faisait. Ouais, mais la carbonade, c'est très particulier dans le Loir-et-Cher. Hein. Ouais. C'est pas connu ici. Mon père, avec les jambons, il est salé. Malheureusement, il est parti avec la recette qu'il avait, parce qu'il avait une recette particulière, avec les lunes, avec le sel, comment le... Et il est parti avec... On n'a jamais su comment il faisait. Ces jambons étaient délicieux. Et puis aussi, dans les fermes où il y avait une grande cheminée à ciel ouvert, à l'époque, ça existait, on fumait les jambons et les andouilles. Les voisins savaient, on savait que c'était pas à nous, quoi, mais voilà. Le partage se faisait, il y avait... Une bonne entente et une grande confiance les uns les autres. Mon père, lui, c'est lui qui donnait aux amis ou à la famille des andouilles, des boudins, des morceaux de viande, parce que c'est pareil, la viande, il partageait, il donnait... Il devait y avoir de la quantité hein, sur un cochon, j'imagine que... À l'époque, il tuait les cochons, il faisait 150 kilos. Hein. Il y avait de la graisse, mais c'était bon. Enfin, plus ou moins gras, ça dépendait comment ils étaient élevés, quoi, mais... Alors, devant ces histoires de tueurs de cochons et de croque-morts, je vais vous proposer une pause en musique avec un titre de Renan Luce qu'on a eu la chance de rencontrer récemment, puisqu'au mois de novembre, il a pu se produire au théâtre d'Amboise. Renan Luce avec son titre Marcel et Fossoyeur que je vous invite à découvrir tout de suite. On écoute ensemble. Bonjour, c'est Renan Luce, vous êtes sur Radioactive. Marcel est fossoyeur, comme il y en a beaucoup ailleurs. Mais son sommeil est élastique, il est narcoleptique. Il n'est pas rare qu'entre deux mottes, il s'endorme droit dans ses bottes. Ça ne gêne que les survivants de revenir le jour suivant. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelle? Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelleteuse? Il a le menton en galoche, à force de dormir sur sa pioche, et les paupières tout en ovale, lourdes comme une pierre tombale. connaît la rumeur, mieux vaut prévenir quand on meurt. Mais sans entrer dans les détails, tout dépendra de ta taille. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelle? Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelleteuse? Quitte à dormir sous la bruyère, près du canal, je préfère me savoir dans un gruyère artisanal. Je veux un monsieur Marcel pour creuser ma parcelle. Hier, la veuve d'un général qui avait cru entendre des râles a fait rouvrir le monument, tout ça pour quelques ronflements. Croire qu'avoir des galons donne à sa veuve le bras long, il a suffi qu'elle le déploie. Monsieur Marcel n'a plus d'emploi. Mais vieille rombière, pour ta mise en bière, préfères-tu qu'on creuse à la pelle? Mais vieille rombière, pour ta mise en bière, préfères-tu qu'on creuse à la pelleteuse? Dormir sous la bruyère, près du canal, je préfère me savoir dans un gruyère artisanal. Moi, je veux un monsieur Marcel pour creuser ma parcelle. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelle? Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelle? Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelle? Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse. De retour sur l'antenne de Radioactive, les retraités s'activent. C'est la troisième émission que nous réalisons ensemble. Le thème aujourd'hui, c'est les métiers d'autrefois. Donc, on a pu évoquer la fileuse de verre, on a parlé de la stoppeuse, on a parlé du croque-mort ou encore du tueur de cochons, entre autres. Et maintenant, c'est Morissette qui va nous parler du métier que faisait son grand-père. Bonjour. Oui, mon grand-père avait un métier, je suis très heureuse d'en parler, c'était maréchal ferrant. Alors, maréchal ferrant, il y en a encore qui bougent, mais moi, mon grand-père faisait chez lui, il avait carrément tout son atelier. Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas vu mettre les fers aux chevaux, mais je sais que quand j'allais à l'île Bouchard, parce que c'était là-bas qu'ils habitaient, qu'ils travaillaient, tous les villageois connaissaient mon grand-père par le biais de son travail, quoi. C'était vraiment super agréable de voir que tout le monde connaissait ce monsieur maréchal ferrant. Voilà, sinon moi j'ai pas d'anecdote par rapport à ce métier, cet ancien métier, mais je suis très très heureuse d'en parler, je le répète, par rapport à mon grand-père. Marcel, je crois, une petite anecdote niveau maréchal ferrant, tout ce qui concerne les chevaux. Oui, alors par rapport au maréchal ferrant, mes parents habitaient une ferme assez éloignée du village et on n'avait pas de voiture. Donc quand on avait des courses importantes à faire dans le village, on avait un cheval attelé à une carriole et mon père descendait avec le cheval. Il y avait auprès des églises des boucles pour attacher les chevaux, mais il ne l'attachait pas parce qu'il ne bougeait pas. Il passait juste la corde autour de la boucle et puis c'est tout. Et quand par hasard, il s'attardait un peu au bistrot avec les copains, le cheval à midi avait l'habitude, mais dans les champs c'était pareil, avait l'habitude d'arrêter et de rentrer au bercail. Ils avaient une pendule interne. Alors quand mon père n'était pas passé encore, le cheval partait Et il passait devant chez le maréchal Ferrand, et c'était le maréchal Ferrand qui le récupérait, qui l'arrêtait. Voilà, c'était ça mon anecdote. Alors Étiennette, elle dit que ce n'était pas une horloge interne, c'était un estomac qu'ils avaient les oui, chevaux. Oui, absolument, oui, oui, oui, oui. Moi, j'ai connu un maréchal Ferrand qui faisait double métier. Des maréchal Ferrand et un bistrot. Il y avait un petit café à côté, donc il faisait les deux. Il faisait maréchal Ferrand et café. Alors, s'il était en train de ferrer un cheval, il le laissait et il allait servir dans son café. Voilà, ils étaient côte à côte. Voilà. Et ça, c'était ici, en Touraine ? Non, non, c'était dans le Maine-et-Loire, un petit peu après Saumur. C'était mon pays de naissance. C'était la campagne à ce moment-là. Michel, le maréchal Ferrand, il venait à la ferme chez vous ? Oui, il venait régulièrement pour refaire les chevaux. Et j'étais petite quand mon père a changé pour des tracteurs, mais j'ai encore le souvenir de... Enfin, je revois le maréchal Ferrand gratter les sabots, chauffer le fer à cheval et le mettre. J'étais pourtant petite, mais c'est bien marqué dans ma mémoire, ça, de voir le maréchal Ferrand enfoncer les clous dans le sabot, tout ça, c'était... Oui, puis on imagine l'odeur aussi. Oui, là, l'odeur. On en parlait en tout début de matinée avec Gérard, des odeurs et aux choses auxquelles ça peut renvoyer. Oui, oui, par rapport à notre mémoire, l'odeur, elle est imprimée aussi quelque part dans notre mémoire. Et si vous essayez de faire venir une odeur. Et en général, moi, l'expérience que j'ai eue la plus marquante, on était parti au cimetière voir mon grand-père, lui qui était déjà parti, évidemment. Et il avait l'habitude de se mettre un parfum qui s'appelait « Pour un homme de chez Caron ». Ce parfum a vraiment une odeur très particulière. Je n'ai jamais rencontré d'autres fragrances comme ça. Et j'ai pensé à ça, et l'odeur, elle est passée. Et c'était fugace, hein, ce n'est pas le truc qui va être tonnant, mais elle est passée. J'ai bien reconnu que... Donc je suis persuadé que la mémoire, elle est capable aussi de nous faire apparaître ce genre de choses. Et puis c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Oui, on a l'air de tous être à peu près d'accord autour de la table. Alors, il y avait autre chose aussi, Michel, c'était le tonnelier qui passait. Oui, une fois par an, le tonnelier, parce que mon père il faisait un peu de vin. Mm-hmm. Enfin, il avait quand même plusieurs vignes. Et régulièrement, une fois par an, il venait pour refaire les tonneaux qui étaient abîmés, les démonter, les chauffer, les changer, ce qui devait être changé. Donc, voilà, c'est des souvenirs que je revois un peu, mais... C'est quand même assez vague aussi, ça. C'est pourtant plus récent par rapport aux chevaux, mais ça m'a moins marqué que les chevaux. Quoi. Oui, oui. Mais c'était un métier où je pense que ça existe encore. Il y avait pas mal de petits vignerons. Hein, bien sûr. Et, il doit y en avoir moins maintenant, quand même. Mon mari était tonnelier. Il était fils de tonnelier. Et mon beau-père, ils étaient 11 enfants, dont 9 garçons, tous tonneliers, dans un village auprès d'Onzain, à Chambon-sur-Six, ça s'appelle. Et dans tous les villages aux alentours, il y avait un tonnelier. Alors, il réparait effectivement les fûts, mais aussi ce qu'on appelle les ancées. C'est les cuves qui reçoivent le raisin quand on vendange. Donc, c'est pareil, ils allaient de ferme en ferme pour travailler. Mais c'est un métier très ancien, parce que finalement, je pense que c'est les Gaulois qui ont commencé à faire... Les tonneaux comme ça. Oui, c'est vrai que c'était quand même intéressant de les voir faire, mais c'est moins... Alors Étiennette, ça vous parle un petit peu tout ça aussi, parce que vous êtes issue d'une famille de vignerons ? Oh non, je ne suis pas d'une famille, mais enfin j'ai vécu tout autour des vignerons. Puis comme c'était un tout petit village, alors on allait chez les uns, chez les autres. Même étant jeune, même étant gamine, on allait traîner chez les gens et on voyait tous ces métiers-là, quoi. Très bien. Alors, Christiane, on ne l'a pas entendue. Christiane, elle ne vient pas de la ferme. Je ne suis pas de la campagne. Je n'ai pas été élevée en campagne. Moi, je viens du nord, de Douai. Et en fait, mon grand-père, je pourrais remonter plus loin, mais bon, on s'arrête au grand-père quand même. Mon grand-père travaillait à la SNCF. Donc, lui, il avait un métier très dur qui, je pense, n'existe plus. C'est-à-dire qu'il accrochait les wagons d'un wagon à l'autre. Il montait sur, on appelle ça les tampons. Et ils les accrochaient à la main. Donc, ils avaient toujours le risque de se faire écraser entre les tampons. Hein, ça arrivait. Hein. Donc, il a fait ça toute sa vie. Et j'ai ma mère aussi qui travaillait chez un chapelier et qui faisait elle-même les chapeaux. C'est-à-dire qu'ils recevaient le feutre. Ils avaient un appareil chauffant. Je pense que c'était une forme de tête. Et ils tiraient sur le feutre pour former les chapeaux à la demande. C'était des chapeaux qui étaient faits sur mesure. Voilà. Mais maintenant, ils le font en usine. Que là, c'était des petits magasins qui faisaient... Alors, en parlant de chapelier, moi, pour le mariage de mon petit-fils, ça fait un certain temps, j'ai fait faire un chapeau sur mesure parce que tout le monde avait un chapeau. Alors, avec ma belle-fille, on s'est dit, ben, on ne va pas être plus bête que les autres. Donc, on a fait faire nos chapeaux, la chapelaire. Alors, moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas une tête à chapeau. Elle m'a dit, c'est pas vrai. Chaque chapeau a sa tête. Donc, comme chaque pot a son couvercle. Je voudrais voir un jour, voilà, que j'ai fait faire sur mesure chez un chapelier. Je ne sais pas s'il existe encore. C'était Angoulême. Qu'il existe encore des chapeliers tout court. Oui, oui, ah oui. Ah, il y en a à Tours, d'accord. Excusez-moi, je ne porte pas de chapeau, donc je l'ignorais. Alors, on n'a pas entendu Yvette. Yvette, ses parents travaillaient dans une ferme et ce qu'elle évoquait juste avant cette émission, c'est surtout la façon de travailler qui a beaucoup changé. Oui, en fin de compte, mes parents avaient une petite ferme, parce que maintenant, c'est plus des petites, c'est des grandes. C'est juste le matériel qui a changé, et la façon de travailler est beaucoup moins pénible. Après, ils ont des grandes surfaces, donc ils ont le matériel qui, en conséquence, pour aller beaucoup plus vite. Mais au moment de mes parents, même avant, je n'ai pas connu mes grands-parents, ils avaient une ferme aussi. Et ce qui est fait en 2 heures maintenant, ils mettaient une journée. Hein. C'était manuel, il n'y avait pas toutes les machines. C'était beaucoup plus fatigant. Voilà, c'est ce que je retiens de la ferme. On imagine d'autant plus la déception quand une récolte n'était pas bonne pour une raison ou une autre, avec tout le mal qu'ils avaient pu se donner. Ouais. Il y avait de la perte qui n'était pas prévue et il fallait faire avec. Hein. Ils n'avaient pas le choix. Hein. C'était comme ça. Et est-ce qu'à la ferme, il y avait maréchal Ferrand ou tonnelier ? Non, il n'y avait pas ça, non. Et est-ce qu'il y avait des cochons ? Oui, il y avait un cochon tous les ans, comme dans beaucoup de... Mais le cochon, il était pour eux personnellement. Il n'y avait pas de partage, comme à certains endroits. D'accord. Ouais, c'était leur cochon à eux, gardaient tout pour eux. Il y avait d'autres animaux aussi dans la ferme ? Il y avait de la volaille, il y avait des vaches, il y avait la traite à faire le matin et le soir... 365 jours par an, pas de vacances, comptaient pas leurs heures, c'était... La vache qui vèle pendant la nuit. Voilà, ouais. Ouais, bah oui, ça coupait la nuit. Ah bah oui, c'était dur. Ouais. Après, ils sont très fatigués à l'heure actuelle. Pour ceux qui sont pas décédés, ils sont très fatigués, on comprend pourquoi. Hein. Voilà. Eh bien, merci pour tous ces beaux témoignages. Alors tout à l'heure, il y avait quelque chose de rigolo hors antenne, mais j'ai quand même envie qu'on l'évoque parce que ça nous a tous fait sourire. C'était le plus vieux métier du monde. Et il y a Gérard qui nous racontait une anecdote. Alors on a quand même envie que vous la partagiez avec nous. Quand j'étais petit, donc, j'habitais dans un immeuble à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. C'était un immeuble assez... Enfin, la ville elle-même était une ville assez huppée. Et donc l'immeuble était assez classe. Et au deuxième étage de cet immeuble, il y avait une dame qui vivait toute seule, toujours très bien habillée, et que tout le monde appelait la vieille fille, d'ailleurs, dans l'immeuble. Et de temps en temps, il y avait des belles voitures qui s'arrêtaient devant la porte, un monsieur ou des messieurs qui montaient et qui restaient un moment et qui repartaient. Et mon frère et moi, nous avions interdiction par les parents de parler à cette dame, même de lui dire bonjour. Parce que peut-être que, je ne sais pas, pour eux, il y avait une maladie quoi, qui pouvait s'attraper en disant bonjour. Enfin voilà, quoi, c'est la petite anecdote, quoi, mais ça devait être quelqu'un qui bossait vraiment avec des gens classe, quoi, parce que voilà, vu la taille des voitures, parce que nous, quand on repérait une voiture, on descendait voir la voiture. Donc voilà, elle gagnait bien sa vie. Bah, tiens, c'était sur les bancs de la place du Palais, qu'on appelait la place du Palais là, à ce moment-là, et on les connaissait, c'était toujours les mêmes, quoi. Alors, on les connaissait, mais enfin bon, c'est pareil, on leur parlait pas, nous, parce qu'on n'avait pas le droit. Voilà, c'est tout. J'en ai vu à Tours sur le bord des voitures. Elles attendaient le client devant les voitures. Voilà, je les voyais sur le banc, parce que c'était leur place, là. Il y en avait 2, 3 des fois. C'est vieux, ça. Hein, c'est... Bon, c'était pour l'anecdote, c'était assez rigolo de l'évoquer. La première fois, je suis allée à Paris, parce que moi, je venais de ma campagne. Hein. J'étais dans une surchère, donc. Et je vais passer 8 jours à Paris chez ma tante. Et un samedi, mon oncle, il dit, on va te promener en voiture. Je sais que j'ai visité Paris, mais il dit, on va te promener un peu. Puis on passe, moi, je ne savais pas trop où on était. Et puis, je vois toute une file de monsieur qui attendait sur le bord du trottoir à la queue leu leu. Mais immense, la file. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent, tous ces gens-là ? Et mon oncle, il dit, ils attendent de monter dans les champs. Alors là, j'ai réalisé, mais je dis, on est où, là ? Il me dit, à Pigalle. Ah, j'étais choquée, j'ai dit, mais je m'imaginais, je dis, mais tous ces hommes qui attendaient, je dis, mais c'est l'horreur, quoi. Enfin, voilà. La nature humaine. Le bois de Boulogne, c'est quelque chose de très très ancien, puisqu'il y avait déjà les premières arrestations par la maréchaussée, c'est dans les années 1600. Le bois de Boulogne était réputé pour être déjà un lieu où les gens se rencontraient, etc. Ah oui, de perdition. Un lieu de perdition, dit Marcel. Le bois de Boulogne, c'est quand même le seul endroit de Paris. Quand vous donnez un coup de pied dans un arbuste, il vous répond. Et voilà, c'est dit. Eh bien, sur cette bonne boutade de Gérard, je propose qu'on se quitte en vous remerciant chaleureusement tous et toutes pour votre participation à cette troisième émission. On se retrouve bientôt, d'ici un petit mois, pour ceux qui souhaitent continuer cette aventure radiophonique avec un nouveau thème que nous vous dévoilerons lors de cette émission. Merci à tous.